Le comité central du Front démocratique national anti-impérialiste a adressé le 30 juin une lettre de félicitations au maréchal Kim Jong-un. La lettre indique « La promotion du respecté camarade Kim Jong-un au poste de président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée est la manifestation de confiance et vénération absolue des militaires et civils du Nord envers le respecté maréchal, symbole de la dignité et de la gloire de la grande puissance Paektusan et promoteur du Sungun du XXIe siècle, l'expression du respect infini des militants, notamment du Front démocratique national anti-impérialiste et de la population patriotique, est un grand événement national assurant parfaitement le parachèvement de la cause révolutionnaire du Tse, commencée au Baektu, et la prospérité éternelle de la nation. Maintenant, les avant-gardistes et la population de toutes les couches du Sud s'inspirent de la fierté nationale sans bornes de jouir de génération en génération de la direction du grand homme sans égal et se détermine à se dévouer au mouvement de changement de ce sol et à la cause de réunification du pays, suivant le respecté maréchal, souligne-t-elle la lettre. Finalement, elle souhaite santé au respecté camarade Kim Jong-un, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, pour la réunification du pays, le parachèvement de la cause révolutionnaire du Tse, le développement de la Corée du Tse et la prospérité de l'époque de Kim Jong-un.